J'ai pris le temps de refaire connaissance, une nouvelle naissance, une autre relation. J'ai pris le temps d'ouvrir à ma raison la voie d'une passion, une nouvelle confiance. Et j'ai brisé la glace, et j'ai touché au fond un sentiment profond qui prenait beaucoup de place. J'ai déchiré le voile qui empêche inconsciemment d'être naturellement à l'unisson. De rien faire, d'être là, à côté de toi. J'ai pris le temps, malgré le flot, malgré le rythme et les saisons. J'ai brisé la glace, et j'ai touché au fond un sentiment profond qui prenait beaucoup de place. J'ai déchiré le voile qui empêche inconsciemment d'être naturellement à l'unisson. J'ai pris le temps d'entrer en contact, de ressentir mes actes, de pousser le bouchon. J'ai pris le temps, tout en fermant les yeux, du toucher silencieux, sentir le grand frisson. J'ai brisé la glace, j'ai touché au fond un sentiment profond qui prenait beaucoup de place. J'ai déchiré le voile qui empêche inconsciemment d'être naturellement à l'unisson. J'ai pris le temps